ça buvait un flash, on s'aniquait tout sur la piste. Tu connais pas six clubs et comptais pas la poche. J'tournais au quartier avec ma paire d'Aldix. Même si t'es attaquant, j'y me faut passer au cash. Ils te parlent de cette année, c'est direct les assises. Si je fais tout ça, moi c'est pour remplir l'assiette. Je regarde plus la télé, ni TF1, ni M6. Tu m'as trahi, j'ai connu ta vraie facette. Durer la vie, mon ami. Tu doutais pas, pourtant c'est lui qui te l'a mis. À part la famille, y'a plus rien. Où sont les vrais quand t'es à terre, quand t'es en chien? Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux que des sous. Je compte plus le nombre de fois, je me suis retrouvé par terre. Je descendais, je voyais mon poteau déterre. Ouvrir la grâce et puis gérer le secteur. Deux ans plus tard, mais les dents de sales affaires. C'est une vraie histoire, pour toi je vais pas te mentir. Parce qu'on sait tous dans la tête y'a des menteurs. Pour ceux qui font des sous, en envisageant de partir. Ça mène à quoi de jouer le flambeur? T'attires les rêves que des matérialistes. Celle qui t'évite, qui veut pas de ton cœur. Je suis toujours mis le dans la squad, j'ai le numéro 10. Je cavale plus trop, ça commence à me faire peur. J'ai plus le cardio parce que j'ai trop fait 5-5. Pour les ratus qui viennent charger en X6. Un barbeur au quartier, on se retrouvait à 35. Y'a le zine qui mélange rouge et pastis. Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux que des sous. Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux que des sous. J'ai trop galéré, quoi faire je savais même pas. Je me la raclais, on me disait t'es fort en impro. On me disait t'as rien à faire gros, pourquoi tu te lances pas? Aujourd'hui je reçois des messages, on me dit qu'on m'aime trop. Validé par les ratus à Corba. Tous ceux qui ont le sourire malgré tous les blèmes pro. Pour ceux qui ont le calibre qui s'emballent avec des gros bras. Dans moi même 10 millions tu verras si je fais le beau. Un dimanche il fait beau direct là dans la Honda. Lunettes capuche, dis-moi un peu l'orchestre. On vient de la pyramide et c'est nous dans notre délire. Ils sont jaloux, ils disent qu'on fait des gangsters. Il faut que je fasse un billet parce qu'en ce moment c'est sexy. Y'a des larquilles qui volent encore des sacs sacs. Pour les tolards qui travaillent sur les pec-pec. Les mecs en chieta qui insultent la back-back. Pourquoi se montrer donner pétard au bec-bec? Ça fait les gros avec les sous de la gratte-gratte. Ça se met à moi sans bas les couilles des dettes-dettes. Une soirée arrosée le lendemain te zap-zap. Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux que des sous. Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux que des sous. Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux que des sous. Et je m'en fous de tout. On veut que des sous. On s'en fout de tout. Moi je veux